du 7 impliqué, tout est carré, boy. T'as du 7 impliqué, tout est carré, boy. T'as du 7 impliqué, tout est carré, boy. Tout est carré, boy. T'as du 7 impliqué, tout est carré, boy. Dans un par contre son, c'est les billets qui donneront la couleur. Si je me fais du mal, c'est pour les thunes. Quand j'ai zéro sur moi, je suis en colère. Je veux pas tomber dans la pauvreté, donc si t'es riche, prends tout tel un voleur. Venez pas me voir quand j'aurai tout, je me ferai tout seul, niquer vos mères. Bye bye bye. Ta voix se pavane en nos motos, quelques fois sur le rentrer jusqu'à minuit. Ils vont pas de la caille, mais de la cavane, ils sont point devant ton enfant comme une topie. Un jour la foi m'a dit, sois pas pressé, ton tour viendra. Dans tes sons, parle de moi et t'inquiète pas, le succès tu l'auras. A fond sur la 66, la voix mon côté passager. Me chuchote à l'oreille que dans ce monde, je suis pas qu'un simple passager. Et maintenant, pour percer, faut que je pêche. Rien n'est facile où je vis pour être bien dans le game, j'ai vendu la fraise. Si j'ai pas encore la bague au doigt, c'est la faute des filles que je côtoie. Je connais même qui pèse dans les toilettes de l'église juste après la chorale. Tu voulais l'épouser, mais quand t'étais otage, la tapée sous ton toit. Quelques mois plus tard, après l'avoir appris, tu t'es retrouvé sur la bye bye bye. Pour la voix, si tu savais tout le mal que tu me dis de faire. Pour la voix, je t'ai pas tout dit, mais c'est dans tes bras que j'aimerais me reposer. Johnny, Johnny, Johnny, Hallyday. Hallyday, Hallyday, je veux la même carrière que Hallyday. Johnny, Johnny, Johnny, Hallyday. Hallyday, Hallyday, je veux la même carrière que Hallyday. Suffit de lui dire je t'aime pour voir tous encore. Un bisou d'un coup peut la rendre à gros sexe. Un peu de romantique fait la différence. C'est pour ça que j'ai de la souffrance avec toutes mes ex. J'ai 7 tours d'avance sur cette putain de route. Donc je leur fais du mal sans faire bénéfice à mes soeurs. N'essaye pas de faire des rapprochements. One C et la pension des cicatrices au cutter. Dans un lit trois places, entouré de femmes. Posé au milieu comme un vrai pacha. Elle veut tout me faire, éliminez-moi. Mais dans la capote j'ai laissé mon crachat. Si t'es costaud ça me fait pas peur. La voix m'a donné le gun qui fait sur ton âme. Souvent du joker quand je te vois souffrir. Le rouge aura la couleur de tes larmes. Baby, t'es plus la même. Tu ne donnes plus envie. Quand je change de corps, la cambrure me donne plus la gaule. Je préfère te quitter, je sais pas faire semblant. Un coup de pouce de votre part. Pas besoin, y'a que la voix qui me fait grimper. On, petit fantôme qui se balade au parloir. Ça fait chier quand ma mec il gratte des garros. Pour la voix, si tu savais tout le mal que tu me dis de faire. Pour la voix, j'ai pas tout dit, mais c'est dans tes bras que j'aimerais me reposer. Johnny, Johnny, Johnny, Hallyday, Hallyday, Hallyday.